c'est Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Ce soir, Asile au synthé, Al à l'ordi et au CD. Également, Asile à l'ordi, Steph à la guitare, tout ça en même temps. Synthé, guitare, dans la guitare, synthé avec ordi et tout. Et synthé aussi, plein, plein. Putain. Nuisance, l'émission qui nuit au sens sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Téléphone le 05 61 53 36 95. Une adresse postale, le 40 rue Alfred Duméril, 31400 en France, à Toulouse. Il est 21h. On va faire de la merde, quoi. Et c'est Nuisance, et on fait de la merde pour vous ce soir. Spéciale dédicace à tous les merdeux et toutes les merdeuses. De la merde, quoi. On vous aime pas. Et vous ne nous aimez pas non plus. On se déteste, quoi. Merci.

Yeah. Qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce que t'as dit? Quoi? Quoi qu'est-ce qu'il y a? Quoi qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Ouais, j'ai grave un problème. On s'écoute pas parler ici. C'est comme ça, on m'a dit. Oh pardon, putain c'est dégueulasse quoi. Ah. J'ai l'impression d'être une merde. Folle. En fait, je n'entends pas être autre chose. J'aime pas. Ça me rend glauque. Patiemment. Mais pas si patiemment que cela. Je veux mourir. Je serai oublié, mais plus tard, oui, plus tard. Pendant ce temps, la Terre tourne ses rondeurs atrophiées en direction du ciboulot. La crevette qui disent. Mais où c'est qui sont allés chercher la pêche à la démesure? Et la repêche à la mesure de nomenclature. Nommer les choses qui disaient. Renommer les choses qui disaient. Nommez-les. Disait. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils veulent entendre exactement? Ils veulent nous entendre dire quoi exactement? Ils veulent la vérité. La vérité, c'est la merde. La vérité, c'est que c'est la merde. La grosse merde. Merde. La question posée. Oui. Je l'ai entendu, la question se poser. Tel un pélican sur le bord d'une lasure bleutée. Le bec tordu vers le bas. Comme un bon pélican. Mais les flamants roses dans tout ça, on n'en parle jamais assez. L'arroseur du flamand fait penser à la dorure non ruissalée d'un hâle atrophié du ciboulot. Où est le rose? Où est le rose? Bonbon peu cher. Cachère. Je me meurs le terrain. L'entente me désobnubile. À chaque fois que je ne renonce pas à être, je suis. Pour toujours. Meurs pour mourir. Encore mourir. Pour toujours. Pour toujours. Je te déteste. Tes yeux. Tu m'as coupé en plein milieu d'une phrase. Tes yeux. Je me déteste. Pour toujours. C'est écrit. Les autres ils disent que je suis con, mais c'est pas vrai. C'est eux qui sont cons. test. Mais où c'est qu'ils sont allés se fourrer ça dans la tête, là? Et le gars, il me dit quoi? Il me dit lâche l'esthétique, passe à l'acte. Mais c'est pas le moment. Le moment est raté. Raté comme je suis un raté, comme nous sommes des ratés, comme vous êtes des ratés. Les rats sentent quand le navire va couler. Et c'est pas peu dire. Et c'est pas peu dire. Nous n'avons pas fait le monde tel qu'il est. Nous ne sommes pas responsables du monde et de l'état dans lequel il est. Nous sommes démesurément cons, mais nous le savons. Et c'est là la vérité, omnubilante, comme une réaction tangentielle, tergiversation. Déblatération de tangente en direction du ciel. Les cieux sont de ceux et de celles qui croissent vers le haut. Se réside dans la pratique comprise, soutenue et de volonté de la plus haute, intelligemment adéquate, adaptée des douceurs. Le choix est là. Tu te laisses aller et choisis la perdition ou tu te laisses aller à lâcher prise sur le monde en faveur de la lumière. Et entre ces deux, là-bas, les réserves d'or s'amenuisent en faveur du plomb. Tout change. À vous, il n'y a rien de libre. But et les phrases qui s'entremêlent, nulle part mènent où elles se trouvent. Le cœur, volontairement non obstruant, est bon et juste, oui. Mais les liens qui nous attache au mur que nous contemplons chaque jour après chaque jour. Ces liens, ces attaches, elles ne sont pas de notre fait. La douleur ne fait que s'accroître. Aveu de terreur peureuse de la merde, car Papa Jacques a dit fais-le. Pourra jamais simplement dire je t'aime. Toujours ce à jamais pour toujours. C'est contextuel, cette observation-là. Pourquoi pas? Parce que pas, m'en fous, oui. I remember, insane et quick, pour ainsi dire jamais jealousy, jamais je ne pense valoir douter. No silence. Et c'est là que c'est sûr, que c'est bon, car au fond du blanc, de l'hôpital, au couloir gris, à l'escalier moisi descendant, la morgue m'appelle après la destruction et damné ça on l'est à être con. Serait-ce la chose que ça t'appelle là ? M'en fous, oui. The Fabulous. Spassionate. Disfigurement. Is what an energy gone, envy by feather or hate grows towards the outer realms of the inner world. This is not to be confused with hate of others, just not. Whereas self-hate comes bouncing back. One doesn't need to intervene. Shit, all the time down, there's another disrupt fellow, old. And they make me hug me, I don't know, I don't, cause nous l'avons trouvé au fond, c'est lui, oui, c'est lui qui... Merde, quoi déjà? There's no way in hell, so is it heaven? L'eau de Javel, j'ai peur d'avoir raison. I guess so I not. Un nœud coulant. Croulant sous la torpeur de l'âge démesurément con. Ne le vois pas venir, mais bien partir en arrière. Un salto, le salaud, ce temps qui nous efface. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, go. Traverser tout ce fatras, pourquoi faire? L'illusion n'est ni vraie ni réelle. Je suis malheureux, et c'est pourquoi je recherche l'heureux état. Oui, voilà. C'est sûr. D'ici et de maintenant. Les herbes voilaient son nez. Le fatidique blé noir rougeoie le fer blanc quand je meurs de souffrance et douleur. Je suis triste. Avant l'après, qu'est le tout actuel, il ne pouvait y avoir hormis dans un autre ensemble de sous-systèmes. C'est-à-dire que la fin touche au début, c'est ça que ça veut dire. Rien ne peut être dit, rien jusqu'à maintenant, rien, non, que dis-je ? Traverser tout ce fatras, pourquoi faire? L'illusion n'est ni vraie ni réelle. Je suis malheureux, et c'est pourquoi je recherche l'heureux état. Oui, voilà. Ou fluidité, adaptabilité, pourtant d'absurde. C'est ainsi que, oui, c'est bien ça. Qui reste avili, cajolé ou cajolé, la turpitude, la déraison n'occulte pas le cendrier plein de travers et d'autres de l'antre, et voir le bois noir qui pourrit au fond d'une malle, moisi, atrophié par le ciboulot d'un nanti, d'un bagne, qu'importe. Le paria, c'est ici et maintenant que l'on est tel. Je te promets, l'énergie avec la masse, c'est sûr. The beauty is in the eye of the blind. The pretty in yours. Transitioning to a clear luminous clarity. Claire quelle est cette clarté-là? Lumière, maestro. Light, master. Too light, not this contraption you offer to your followers, you sick brain.

Beaucoup d'effets secondaires par contre. J'aime pas. C'est si facile. I'm dying of hate of me. It's so easy. Yet. Please kill me. I want to die of something. Yet. Je me déteste à me tuer. Mais c'est pas fini. Ça finit pas. Ça me désamorce. Ça me rend glauque, latent, attendant. La mort patiemment, mais pas si patiemment que cela. J'aime pas. J'aime pas. C'est si facile. Meurs. Moi. Meurs-moi. Je veux mourir. Je veux vivre. Ils sont bons avec moi. They're good to me. Let them live. Laissez-les vivre. Tant qu'ils sont là, je peux mourir. Quelqu'un me verra. They'll see me die. Ça rassure mon vivant. Je serai oublié, mais plus tard. Oui, plus tard. Plus tard. Later on. Je veux vivre morte. Après ma mort. Je veux plus survivre vivante. Je veux vivre morte. Comble du caprice. survivre vivante, je veux vivre morte. Comble du caprice, j'aime pas. Je veux mourir la souffrance extrême. Mourir la vie de souffrance extrême, je veux. To die suffering, to die extremely of pain, I feel accompanied and alone, all at the same time. Je distingue les éléments du mélange et tout, je me le dis, me dis, I tell me die all the time. Je me meurs. Le terrain longtemps me désobnubile. À chaque fois que je ne renonce pas à être, je suis. So I am then a twisted schematic, solitude lonely, even busy. So I am then twisted schematic, solitude lonely, even busy, so lonely, even now, never have felt quite this bad. I wish me dead, and that's what I get. It's what I get. Thank you. Not dead, so fuck it. I don't give a damn, die me, die again, die forever, forever. Fuck it. Die me forever. And fuck it. Not dead, so fuck it. I don't give a damn, die me again, die forever, forever, fuck it, forever. Fuck it. Meurs pour toujours, meurs. Pour mourir encore, mourir pour toujours, mort. Dead. At last. Dead. Mort. avec un bouche-trou. Voilà. Il y a plein de trous partout. Bouche-les avec les doigts. Vas-y. Voilà. C'est ça. Bouche-les, ils sont gros, ils sont petits. Ça, c'est trop. T'as des gros doigts. Justement, ceux-là sont du complot, jouant un jeu de choses scellées, à déceler, puis la nature de la morte, absence qui en retourne ailleurs. Oui, oui, oui. C'est une forge intemporelle que je suis issue. Intemporelle, car avant le temps. Rougeois, le fer blanc, quand je meurs de souffrance, douleur, je suis triste. Avant, l'après, qu'est le tout actuel, il ne pouvait y avoir hormis dans un autre ensemble de tout système. Il ne pouvait y avoir hormis dans un autre ensemble de sous-système. C'est-à-dire que la fin touche au début. Can you hear me? Can you hear me? De Jupiter, n'en est en travers. Merde! Je ne me déçois pas. Suffering. Is it like crying? To die? Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est nuisance. Boucher les trous avec un bouche-trou. Je te promets l'énergie avec la masse. je suis dur. Mais j'ai peur. Comme si l'amour et la peur ont en commun leur intemporalité. Not for sure that's... Rien ne peut être dit. Jusqu'à maintenant. That's for sure. For sure. Take another one. Gorge se déployant. Évidente conclusion logique, intéressante, et par le fait que l'inobscur n'obscurcit justement pas. Oh non, pas un photon de lumière. Ça recommence avec t'inquiète. Et dans cet œil noir, sur fond rouge. Je me boutonne les yeux, fermés, sans coup donné, ni crachat craché. Je descends. Vite, vite, remontez. Je n'y serai jamais. It's true, I have not and don't care. So... It's that way, it's easy, I'm dying of hate of me. It's so easy, yet... L'air se raréfie. L'air se raréfie. Victime hurle. J'aime pas. Le crépitement du feu s'efface au loin. Alors que c'est d'autres fois rêvé en oubli. Pas la mémoire. La mémoire, merde. Non. Mais que ce ne le soit pas. Est pardonnable quand même. It's that easy, please kill me. I want to die of something. Sleep. Sleep dead. Death by sleeping. They'll see me die. I don't sleep. I don't know. In my sleep. Well, I don't Calvin know. Calvin Klein. Sleep. But I don't know. It's like nothing. That's something. I wish to be well as it did. If I adapt to that thing. Unwillingly, I mean. And I tell me. That's when the whole damn thing reappears on your shoes. So I am then a twisted schematic. So I am then a twisted schematic. Solitude lonely, even busy. So lonely, even now never had felt quite this bad. I wish me dead, and that's what I get. Me dead, and that's what I get. And that's what I get. Not dead. J'aime pas. And that's when the whole damn thing reappears on your shoes. Et c'est ainsi que je m'oublie, jusqu'au bout. Non que je ne le sache, et même d'une évidence implacable. Là, je le sais, et c'est un fait. Je le suis devenu net. Whenever you may go, you will never be free. Alors qu'importe le reste. Not that, so fuck it. I don't give a damn. She don't give a shit. Die me, die again, die forever, forever. Meurs pour toujours. Meurs. Pour mourir. Eternal death. Mourir. Pour toujours. Pour toujours. Meurs. Dead. Et de ce fait, at last, dead. Et de ce fait. I wish me dead. So much I want to leave you warm. She's wishing herself dead. Is that a point? A final point? I don't think so. An exclamation point? No, it's just a period. Just a face. A mask. Ce que l'on nomme amour et multiplicité, à l'image de soi et de tout ce qui l'entoure, encadrement rococo, kitsch, merde, voilà pourquoi. Madness takes its toll, and you are far, far, far away from you. D'ici à maintenant, possiblement en déni. Là est la question, et c'est là que sont les questions portées par les étagères. Continue la discontinuité en avançant. Avancer encore. Mais quand t'as vu, tu te souviens de ce pendant ce temps-là. Same as fine, but... Precisely, but they're both four-letter words, implying that you're not, like, dying. Or, like, really... Yeah, okay can be a four-letter word. I forgot about it. As... It was sometime, but I prefer it with two letters. So it's not K-O. It's not knockout. No. It means O-killed. Like you got no kidding. You're okay. I'm okay with four letters. Yeah, but I would prefer that you'd be F-I-N-E-E. Like, fine. That you'd be lying dead. Lots of beers. Third. Your third? She. Yeah, seems like it. I like mine. What are you looking at? Are you looking at me? No, not you. Oh, shit. I would have liked. Did you have some nice snorts? None. Nothing. None. You were just scratching your nose for nothing. Think what you want. I think that you might like one. Oh, sure, I think I would. Okay then. But I didn't get any. Oh, thank you, sir, but I've already got one. Yeah. I like them book, that book, but... Maybe it's not to me to read it. I'm too tired to read it right now. And am I allowed to read it? Sure. Yeah, sure? Okay, then. I'm gonna keep on moving, yo. Okay, and for you, we just not something. I wish to find the shit back. Ciao. C'était un plaisir. Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, c'est Nuisance avec les invités qui continuent de participer. Moi, je me casse. Is that good? It's not good. Do you... Are you happy to have that? Okay. Then it's good. I'm happy with it. le problème de ce qu'a dit de partir le message comme les deux. On leur a dit comme vous voulez. Prochaine station, Saint-Cyprien. Prochaine station, Espirole. Thank you. prochaine station, Capitole. Thank you. prochaine station, François Verdier. Thank you. Thank you.